GG. Je prends le soin de réussir le tir. Mas Farreta. Dehors c'est la tempête et au fond de moi je suis à sec. Chaque jour c'est une fin de mois donc oublie, je fais pas d'emplette. Je suis pas fait pour votre espace, je suis pas fait pour ma planète. Je vois l'eau qui laisse place au feu, sirène le mal-être. Mais je sais pas si je pourrais faire sans, parce que les sangs m'ont nourrissent, mes récits ce n'est pas récent. Je dis ce que je ressens à vos conneries, je suis indifférent. Je me sens seul au milieu de la foule et des gens. Y'a un trou géant qui nous sépare, un caractère, un cratère qui s'étend sur plusieurs hectares. Un mode de vie ne jamais retourner sur ses pas. Au fond, tout ce que vous ne connaissez pas, la mascarade est finie pour beaucoup. Ils se reconnaîtront, ceux qui nous ont fait des mauvais coups. Avec rancune, je vous souhaite d'avaler des clous. Votre jalousie nous a donné la rage et l'envie d'arriver au bout. Seul avec la feuille, pour faire le point, faire le tri, je dois atteindre une cible. Prends le soin de réussir le tir. Besoin de calme, de solitude, pas superflu. Et quand je suis pas seul, je préfère mes frères qu'une poignée de foutus. Seul avec la feuille, pour faire le point, faire le tri, je dois atteindre une cible. Prends le soin de réussir le tir. Besoin de calme, pas de superflu. Besoin de flamme, de vérité, pas de subterfuge. Et je le fais maintenant, je le remets pas à un autre jour. C'est notre tour de dire les choses à notre façon. Nos givres autour de nos tours. On se transforme en glaçon, outre le son, rien. Le reste on verra dans une autre Yves, une autre mine j'aimerais bien. Mais ça sera quand j'aurai une autre façon de lire la vérité. Le jour où ils auront réussi à lobotomiser la conscience que j'avais épargnée. Maîtriser une autre façon de rire, tension. Depuis que j'ai vu des potes cesser de vivre ou vivre en détention libre. Non, je vire ivre tous les jours entre la sobriété de rive. Une autre journée qui passe comme une gorgée de cidre. Comme une giclée d'acide sur un livre, le mien est plein. Tiens, je te donne un autre son, une autre dose de venin. Acoustique, retiens bien, ma rage je gueule avant que je finisse sous un lin. Seul avec la feuille, pour faire le point, faire le tri, je dois atteindre une cible. Prends le soin de réussir le tir. Besoin de calme, de solitude, pas superflu. Et quand je suis pas seul, je préfère mes frères qu'une poignée de foutus. Seul avec la feuille, pour faire le point, faire le tri, je dois atteindre une cible. Prends le soin de réussir le tir. Besoin de calme, pas de superflu. Besoin de flamme, de vérité, pas de subterfuge. Si on veut tenir sa place, il vaut mieux faire partie de ceux qui organisent la chasse. Parce que si vous faites partie du gibier, vous aurez beau être rapide, très rapide, vous le serez jamais assez pour arriver quelque part. Bouge pas, toi! Un genou! Un genou! Salopard!